Mais oui, êtes-vous en train de nous dire que vous étiez imbécile et incompétent? Ben écoutez, je pense pas être imbécile, je pense pas être incompétent non plus. J'ai peut-être certaines lacunes, je ne suis définitivement pas parfait, ça c'est sûr. Non, ça on s'entend là-dessus. Contrairement au recteur d'université, il n'a pas d'entente secrète avec le gouvernement, mais plutôt avec l'excellence. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre de l'incroyable retentissant succès du sommet de l'éducation. Ah, ouais. Hey, ça a-tu bien été? Bonsoir tout le monde, Fred Savard, bonsoir. Bonsoir! Hey non, mais ça fait du bien, hein? Ah, et oui. Que ça fait du bien. Plus de crise sociale, plus du... Le Québec est calme. Écoutez, c'est la paix sociale. Attendez, et que ça va bien. Ah ben non, wow, je suis pas sûr de ça. Il y a eu des manifestations violentes mardi, là. Alors, il y a même des boules de neige qui ont été lancées sur des chevaux. Ben, pas des polices, des chevaux. Ben oui, mais franchement, des boules de neige, là. C'est un revival de la guerre des tucs, au pire, oui ou non. Non, mais regardez, si Pierre Duchesne est content, je suis content, OK? Non, mais ils en ont réglé des affaires en 12 heures, moins les pauses pipi, puis les pauses cigarettes. Ah non, mais ça fume pas, ce monde-là. L'acier était même pas là. Ah ouais, donc j'avoue. Non, mais ça a bien été, là, ça qu'il faut retenir. Ça a très bien été. Regardez, une augmentation de 3%, hein? Création de 5 chantiers, une entente secrète avec les recteurs. Eh, hey, me semble que c'est du beau travail, non, ça, attendez, non? Là, 3% d'augmentation, oui. 5 chantiers, oui. Entente secrète. Oui. D'après moi, on va revoir tout ce monde-là à la commission Charbonneau bientôt. Là. Ben non, franchement, c'est de la mauvaise foi. Je pense pas, de toute façon, il y a pas assez d'Italiens là-dedans. Ah. Mais quoique, quand il y a un chantier, il y a un Italien pas loin. D'ailleurs, à la commission Charbonneau, hein, que vous avez écouté cette semaine encore, j'espère, qui est une encore très bonne émission. Hein. Très bonne émission. J'espère qu'ils vont re-signer l'année prochaine. Non, mais on a appris que l'ancien DG de la Ville de Montréal, Robert Marcille, passait beaucoup de temps au téléphone avec Borsellino et Migliotto. Ben oui, mais il lui parlait de quoi déjà? C'est ça l'affaire, il s'en souvient plus. Ah non, pas encore un trou de mémoire. Un autre trou de mémoire, Fred. C'est comme ça. Non, mais la presse l'a calculé, hein. Il y a eu 1839 trous de mémoire. C'est pas une blague. Non, depuis non. Le début de la commission. C'est incroyable. Mais moi, ça m'inquiète pour ces gens-là. Ça m'inquiète. Leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un, ils ont pas de l'air vite. Puis ils oublient tout. Non, mais en tout cas, si jamais Ian Englund fait son long métrage de la suite d'Henry, il va trouver ses comédiens facilement. Oui, là, c'est sûr. Les textes vont être longs à prendre, par exemple. j'avais oublié de vous dire, d'ailleurs, j'avais oublié d'en parler, une autre grosse manifestation à Montréal cette semaine. Grosse manifestation. Encore? Ben oui. On n'est pas en paix sociale. Ben, peut-être moins, là. La presse, en fait, la presse l'a écrit jeudi. Plus d'un demi-millier de policiers manifestaient dans les rues pour avoir leur semaine de 3 jours. C'est quoi ce chiffre-là? Ouais. Un demi-millier. Plus d'un demi-millier. C'est dur à faire. Ouais, mais ben dis vite, là, c'est comme un centième de demi-million de policiers dans les rues. Ah boy, OK! Fait du monde. Grosse manif! Ben, mais en, mais tout est dans la manière de le dire et de le rapporter, je pense. Ouais. Enfin, en tout cas, une chose est certaine, les médias ne sont pas biaisés. Ouais. Ça mais là, sauf que là, si les policiers manifestent, qui va bûcher les manifestants? Ah ben moi je m'inquiéterais pas avec ça, Fred. Les policiers vont s'en occuper. Avez-vous déjà écouté un épisode de 19-2? Ah non, non. Pas de stress. Ça va pas bien, là. Non, les documentaires, j'aime pas bien ça. Non. Ouais. Je pense que c'est de la fiction, mais je suis moins en moins sûr. Hein. Enfin, de toute façon, tout ça est secondaire hein, parce que la grosse nouvelle de la semaine, évidemment, Eric Cole a été échangé par le Canadien. Les vraies affaires. Ouais. Eric Cole a été échangé. Contre qui déjà? Michael Ryder. Oh boy. Ouais. Non, mais quand même, hein, quand on y pense, Michael Ryder porte le numéro 73 chez Canadien. Le PQ est au pouvoir et Dutrisac anime les francs-tireurs. Bienvenue en 2003, tout le monde. Non, mais c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est fou de même. Et toujours dans le domaine du retour en arrière, on a vécu un gros, gros moment d'histoire cette semaine quand Benoît XVI s'est retransformé en Joseph Ratzinger. Ah, ben oui. Comment il a fait ça? Il a enlevé son chapeau, sa robe et ses petits souliers rouges. Ah, ouais. On a dit de même. Pour aller travailler au cabaret chez Mado. Oui. Non, mais je pense pas que les catholiques trippent bien là-dessus, moi. Quoi ça, les gars qui se déguisent en femmes? Ouais, je pense qu'ils aiment plus straight en culotte courte. Parlant de culotte courte, il y a l'office de la langue. C'est une blague. Il y a l'office de la langue. C'est une blague. Pas de blague, oui, non. Hey, ben, enfin, on en parlera. Il y a l'office de la langue française qui a finalement décidé d'abandonner sa plainte contre le restaurant Buena Notte. Hein? Ils pourront donc continuer à écrire pasta sur leur menu. C'est drôle, c'est pas tant le mot pasta que je trouve scandaleux, c'est les prix au Buena Notte. Vous êtes déjà allé? Non, ils n'ont pas voulu me laisser rentrer, mais j'ai vu le menu dehors, puis tabarouette, c'est cher. En dedans, c'est encore plus cher. Ah ouais, hein? Ouais. Parlant de scandale, une nouvelle étude, on a appris que le Québec n'est pas l'État le plus taxé en Amérique ben du Nord. Ben voyons donc. Toute ma vie de chiolage est basée sur le fait qu'on est plus taxé, acheté carré de payer. On va chialer sur quoi, Star? Ben, en fait... Moi, ce qui m'écœure, Fred, c'est qu'on n'est même pas capable d'être les meilleurs dans le taxage. C'était le clair, Québec hein? tire encore une fois de l'arrière. Médiocrité, c'est extraordinaire. Mais heureusement, on a deux invités qui ne tirent pas de l'arrière. Mesdames et messieurs, on reçoit tout d'abord la comédienne Louise Latraverse. Louise Latraverse, c'est là qu'on peut applaudir. Là. Oui. On a fait une pratique tantôt. Merci. Notre public s'améliore avec les semaines, oui, Fred. Oui. Ça fait 35 semaines, là, de... Tu sais, un an, à mon avis, on devrait être... Enfin, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, on en a d'autres chaque semaine. Non, mais Louise Latraverse, donc, une femme qui a fait le tour du monde, hein, à toutes sortes d'époques, ben oui, d'ailleurs, mais qui surtout vieillit avec grâce. Autant que Denise Bombardier. Ben... Encore mieux! Encore mieux, Fred! Madame Latraverse, c'est avec pas de crème. Ah! Hein? Bon. Et on reçoit également le chef par intérim du Parti libéral, Jean-Marc Fournier. Ah oui, qui a peut-être pas fait le tour ouais, du monde. Ben ouais, hey. Excusez. Là, c'est toi, Fred. Mais il a peut-être pas fait le tour du monde. Il a peut-être fait le tour du parti. Hein. Ben, ça va falloir y demander, Fred. Oui. Mais on a le temps parce que la soirée est encore jeune. Hey, merci d'être à l'écoute. Olivier Niquette, bonsoir. Oui, bonsoir. Les internets, dites-moi donc. Ben, les gens peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront entendre Mario Dumont dire que le Pastagate, là, ben, il pensait que ça allait être plus circoncis comme scandale. Ben, ça aurait pu. Hein. OK, grosse. C'est pas des pâtes à l'âle, là. OK. Grosse semaine d'actualité. Hey, non, mais grosse semaine d'actualité, boys. Là, vous riez, là, puis je comprends pas, parce que c'est pas si drôle. Mais... Go! On va faire la Denise Filiantro, on enchaîne. OK. Tellement une grosse semaine d'actualité qu'on n'a pas eu le temps de parler du député poteau du NPD, Claude Patry, hein, de Jonquière, qui a passé au Bloc québécois jeudi matin. Ah, ouais! What? Il a fait son chemin de Saint-Damas en une nuit. Saint-Damas, c'est une joke... Ouais. Il a fait son chemin de Damas, il a fait sa conversion en une nuit seulement. C'est les gens de région qui comprennent Saint-Damas. Hein. Bon, on espère que les gens du lac nous écoutent. Non, c'est Sainte-Hyacinthe. Ah, pardon. C'est là que je suis né. Ah! Ouais. Belle place. On enchaîne. Non, mais je me demande, là, un poteau qui devient bloquiste, là, on appelle ça comment? Un poteau. Cinq poteaux, c'est pas une grosse clôture. Hein? Non, bon. C'est un début. C'était les élections italiennes cette semaine et heureusement, Silvio Berlusconi n'a pas été réélu. Hein. C'est plutôt une coalition de partis de gauche avec notamment le parti 5 étoiles de Pepe Grillo, un humoriste. Ben oui. Hein, et on s'est dit que c'était quand même rafraîchissant de voir un comique au pouvoir. Ça nous a inspiré notre palmarès hebdomadaire. Alors voici les 5 meilleurs humoristes québécois qui devraient faire de la politique. En 5e position... Philippe Bond. Ah ouais. Ben. Peut-être trop jeune, quoi. Ben quoi. Oui. Je sais même pas s'il a l'âge de voter, lui. Je sais pas. Moi, je pense qu'il est trop jaune-orange, même, pour faire de la politique. Ben, en plus, les jeunes, ils ont plus le droit de se faire bronzer. Hein. Ah, mais ça va être correct. Ça l'annule. En 4e position, Stéphane Rousseau. On avait pas dit un humoriste québécois? Ah, c'est un français, lui. Je pense, mais ça. On va en trouver un autre. Pas grave. En 3e position, Pierre Verville. Ah, ça, c'est pas fou, ça. Lui seul, c'est un cabinet de ministre, ça. Des vieux ministres, mais oui. Non, c'est vrai. En 2e position, Guillaume Wagner. Ah, hein? un peu de vent frais en politique, ça ferait du bien. C'est vrai qu'il y a de l'air frais, hein? Ouais. Puis pourra en même temps nommer Marie-Hélène Thibert aux finances. Il paraît qu'elle est déductible d'impôts, c'est lui qui l'a dit. Ah, oui. J'étais pas là à son émission, là, de son émission. De spectacle. Ouais. Et en première position, Claude Meunier. Ben là, c'est pas un humoriste, ça. Non, mais il y en a déjà fait de l'humour. Oui, les Géraud-là, je pense. Oui, c'était lui. Fred, notre premier invité, s'il vous plaît. Elle a vécu les années 60 à New York avec les plus grandes vedettes pour ensuite découvrir l'Inde. Malgré ses 72 ans, elle affiche une ouverture d'esprit que bien des plus jeunes n'auront jamais. Accueillons Mme Louise Latraverse. Merci. Oh. Écoute, garde, j'ai mon nom, j'ai tout. Vous avez même pas de sacoche. J'ai ma sacoche. C'est bien une partie de ma vie est dedans. Hein? Ben c'est vrai. Ben oui. Mon Dieu, mais j'aurais cru une plus grosse sacoche. Non. J'ai une certaine discrétion. Comment ça va, madame? Mais ça va bien, très bien. Que vous êtes belle. Oh, regarde, il est charmant. C'est un charmeur. Je vous le dis, ben toutes les filles ici, là. Si vous êtes venues pensant que peut-être que vous... Il est charmeur. Ben, on se connaît presque juste par Twitter, en plus. C'est pour vous dire. Non, mais je... Vous êtes si belle, et ce, sans chirurgie esthétique. Ah, oh ben non. Ça, j'ai rien. Ah, oh ben non, pas de chirurgie esthétique. Rien. Non. Même bien pas sûr une petite affaire, voyons. Non, tout le monde a dit quelque chose. Fred s'est fait refaire le nez récemment. Non, en fait, je me suis fait poser des pattes doigts autour des yeux. Il vieillit pas, qu'est-ce que vous voulez? Il vieillit pas, ce monsieur. Mais c'est assez demandé si vous avez lu Vieillir avec grâce de Denise Bombardier. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai entendu parce qu'ensemble, je vous ai vu, tout le monde en parle. Puis j'ai entendu l'émission aussi. Ben, elle me séduit. C'est-tu ton genre, toi, Denise? Ben, je peux pas dire que c'est pas mon genre. C'est habile, ça, mais ça répond pas à la question. OK. Non, mais allez-y, je suis ouvert. C'est mon genre. Ben oui, c'est je... ton genre? Oui, c'est dans donc, mon range. Donc, on est tout ton genre. Oui, oui. Ça, ton range est large en... Ça se peut. Parce que je t'ai vu avec certaines personnes, des filles. Je pourrais vous dire des affaires. J'ai d'autres questions. j'ai d'autres questions. C'est tout même. Je sais plus quoi dire. Fred, ne viens pas. Je trouvais ça intéressant. Allez-y. Attends un petit peu. OK, bon, parfait. En 2007, vous avez gagné votre premier Gémeaux pour La Promesse. Et vous avez dit sur scène, j'ai 67 ans. Bon, 2007, 67, 2012, 13, en tout cas, juste le calcul. Bon, 72. Parfait. J'ai 67 ans, je ne suis pas remontée, alors je vaux cher, très cher. Oui, c'est vrai. Écoute, ça vaut cher une vraie face de nos jours. Oui. Moi, Non, mais c'est rare comme la mère de pape. Et puis là... ça devient de plus en plus rare, la mère de pape. La mère de pape, aujourd'hui, vaut très cher. Jusqu'à 8 heures. Ben oui, non, c'est mais... C'est quand le conclave, là, finalement? On ne sait pas. Est-ce que c'est ce soir qu'il laisse sa petite calotte et son petit chapeau? Mais c'est fait, je pense. C'est fait, il est parti. Il s'est déshabillé, tout nu. Ah, il est bon. Le pape tout nu. Il est tout nu. Bon, c'est fait. Mais est-ce que ça vaut vraiment cher? Oui, ça vaut cher, je crois. Moi, je suis ravie que toutes les filles se fassent remonter parce que tous les beaux rôles de vieilles, je vais pouvoir les jouer. Ah ouais. Fait que, mais ça, c'est fabuleux. Fait qu'ils peuvent toutes aller se faire remonter. Moi, ça va, là, disponible. Mais c'est parce que pour avoir de l'air vieille, ça va vous prendre encore une vingtaine d'années. Non, mais là, tu dis ça, mais c'est quoi l'âge? Tu sais, j'ai... La vieillesse. Oui, allez-y donc. Parce que, attends que je te raconte, parce que je vis des choses assez étonnantes. on me téléphone à peu près 3 fois par semaine. Mm-hmm. Trois fois un par faux semaine. Numéro ou... Non, okay. direct chez nous. OK. Ouais. Pour des interviews à la radio, à la télévision, mais surtout dans les magazines, pour parler de la vieillesse. Ah mais ben, là, j'ai dit, excusez-moi. C'est un peu maudit, ça. Non, mais tu sais, il faut savoir répondre à des questions. Ouais, ben oui. Réciter une question stupide, réponse moins stupide. Réflexion. Ça. Alors là, j'ai dit, écoutez, moi, si vous voulez vraiment entendre parler de la vieillesse, il faudrait parler à quelqu'un de vraiment vieux, de 90 ans. Madame Chuteau, par exemple, pourrait répondre. Ben oui. Mais moi, je commence ma vieillesse. À je peine. N'ai pas d'expérience. Ben non, je comprends. Alors, de quoi je vais parler? Ben, non, je sais alors, bien. Alors, je ne peux pas parler de la vieillesse. Vous rentrez, là, en vieillesse. Ben oui, tu sais, une néophyte. Mais il faut commencer à quelque part, tout le monde. Je suis une jeune vieille. D'ailleurs, vous avez remplacé à pied levé la vieille que vous parliez, là, Jeannine Suteau, qui s'était blessée. Oui. Et puis, vous l'avez remplacée donc sur les plans. Elle est tellement jeune, là. Elle est tellement fabuleuse, elle a tellement d'esprit, elle sort tous les soirs. Est-ce que vous autres, les jeunes ici, sortez tous les soirs? Non. Même lui, il sort pas tous non, les mais soirs. Non, moi, j'ai un toi, chien. Je serais... Oui, je sais. Mais bon. Mais elle sort tous les soirs. Écoute, des fois, je cherche un nom, elle trouve mon nom, elle finit mes phrases, j'ai dit, fais pas ça devant le monde, c'est gênant. Elle est étonnante. Ben oui. Alors, tu vois, l'âge, ça... It's irrelevant. Là, j'aimerais que tu me traduises ça immédiatement. Parce que l'Office québécois de la langue française est pas loin. Mon Dieu, le restaurant. Non, je le sais, je sais. Ils vont brûler mon steak. Et que je me sens mal. T'es-tu mal? Toujours est-il que vous n'êtes peut-être pas addict... Un autre mot en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on a, donc? Non, regarde, je sais pas. Non, mais René, on m'y revoit le fait le matin. Je peux bien le faire le soir. C'est vrai? Ben oui. Bon, OK. Vous n'êtes pas addict au Botox, mais vous êtes un peu accro à Twitter, par exemple. Ah oui. Vous tweetez énormément. Je sais, faut que je me calme. Ben... Tu sais, c'est parce que c'est une période plus tranquille. Alors, je... Je suis folle de ça, moi, Twitter. Ben, je vous ai tweeté hier soir vers 11h30, vous ne m'avez pas répondu. Non, parce que je me suis dit, je ne vais pas le troubler avant de dormir. ça a fonctionné. Non, mais vous êtes une des personnalités québécoises qui tweet le plus. Tu crois? Ben, je pense que oui. Ben, 8000 gazouillis depuis... Oui, ça va. Gazouillis. Gazouillis, c'est gentil. Pour nous autres, j'adore tweeter, mais j'avais du temps. Ah. Et que c'est tout. Je suis folle de la communication. Twitter, ça a été une révélation parce que j'aime pas. Je vais te dire tout de suite, oui, là, oui, Facebook, oui. J'aime pas ça. Comment ça? Ben, non, du flagotage entre amis du niaisage. Tu mets ta robe bleue, puis vas-tu mettre tes souliers roses, puis tu sais, je veux dire. ça date du fil Facebook de Benoît XVI. Vas-tu mettre ta robe, ouais, tes souliers? C'est ça. Alors que Twitter, c'est de l'information. Ouais. T'es tout de suite direct. J'adore ça. Mais je trouve ça fun. Aussi, quand tu vis seul, ouais, c'est formidable. Ah! Ça vous fait vivre avec plein d'amis. Ben, moi, j'écoute juste des amis à travers le monde. Vous avez voyagé partout. Ah, ouais. J'ai des nouveaux amis, là. Je me suis dit, brillant. Des nouveaux amis à travers le monde, que vous n'avez jamais rencontrés. Que je ne connais ni Dave, ni Dadan. Ouais. Répète ça après moi, là. Ni Dave, ni Dadan. Voilà. Ouais. Et puis, oui, j'adore ça. Bon, ben parlez-moi de ça. D'ailleurs, j'ai pris une couple de vos tweets et je me suis dit, on va faire une entrevue Twitter. Ah, hein? Vas-y. À partir de vos tweets. Non, c'est le fun. Il y en a une couple de fun. C'est bon. Quand même, ben, il y en a 8000. Hein, fait que grosse job. Je ne sais pas, ça la semaine sur moi. Ouais. Mes hommages aux femmes qui écrivent pour la télé de bonnes histoires et très souvent de beaux rôles de femmes de tout âge. Oui. Mais c'est drôle, on entend le contraire. On entend souvent que on écrit trop pour les jeunes femmes. Ben non, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Regarde Unité 9 quand même. Oui. Là. Ben, vous aimez ça, hein, si vous avez pas j'aime fait ça, Unité 9. J'adore ça. Ouais. C'est des actrices formidables. Ouais. Micheline Manteau, qu'on a reçue ici, qui est tellement bonne, brillante. Et puis toutes ces belles actrices-là. Suzanne Clément, c'est pas des actrices ordinaires. Elle cochonne. Seigneur. Mais tu es une bonne cochonne. Ben... Elle est bonne. Je l'aime assez. Moi, j'y crois. Oui. J'y crois. Et puis, il y a. Attends un petit peu, là. Ben, c'est ça. Fabienne Larouche. Oui. Ah, oui. Sois poli avec moi. Je vais avoir une claque. Je peux te défaire les cheveux en 2 minutes. Vous ne feriez pas ça, Madame la Traverse. Fabienne Larouche, oui, elle écrit beaucoup pour les femmes. Regarde 30 vies. C'est plein de jeunes. Pis de... Non, je trouve que les femmes. Il y a les vieilles dans 30 vies. Oui. Je l'écoute pas assez, moi. Vous avez aussi tweeté mardi voir un commercial de la diarrhée du voyageur. Ça ne me donne pas envie de partir. Mais bon, mourir. Il y a des. Mais non, mais il y a des hauts et des bas sur Twitter aussi. Non. Mais quand même, tu l'as d'en face. T'écoutes RDI. C'est quand même sérieux, RDI. Oui, mais c'est sérieux aussi, la diarrhée. Voyageur. Je vois ça dans ma face, dans mon salon. J'ai dit, ils sont malades ou quoi? Ben non, mais c'est important d'en parler. Là, j'en parle. Ben imaginez si Simon Durival, je l'avais live. Faut que ça se traite, ça, franchement. C'est pas beau. J'en ai d'autres. Ça, c'est moins. Gilles Richer, le père d'Isabelle Richer, était l'auteur de Moi et l'autre et du célèbre Bye Bye avec Olivier Guimond, dans lequel vous étiez. Oui. Et c'était très drôle, ça. Oui, c'était très drôle. Est-ce que les Bye Bye d'aujourd'hui vous manquent? Est-ce que vous devriez jouer dans des Bye Bye d'aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi drôle? Je pense pas à ça. Ça, c'était une époque. Gilles l'était. Il avait d'abord commencé par une revue Bleu et Or. J'ai parlé du Gilles Richer parce que je parlais d'Isabelle Richer. Oui. Et Isabelle, je suis folle d'Isabelle parce que je l'ai connue à 3 ans. Elle était tellement mignonne parce que j'étais très amie avec son père. Et en terminant, parce que là, il faut arrêter ça. On arrête ça? Non, mais bientôt. Ben, non, pas longtemps. Long. Ben, je sais que c'est pas long. C'est pas énervant. C'est pas stressant du tout de venir ici. Ben non, je le sais. Mais vous le direz à M. Fournier qui s'en vient tout à l'heure. M. Fournier, énervez-vous pas. Je vais venir vous aider. Ça va mal. Il n'y a pas de stress, là. Franchement. Bon, justement, il y a un dernier tweet que vous avez fait en février 2013. Où aller travailler? C'est corrompu partout. Tout le monde semble abuser du système. Est-ce que vous écoutez ça, vous, la commission Charbonneau? Ben, je comprends donc. C'est bon. D'ailleurs, c'est tellement bon, mais je suis tellement découragée. Il n'y a pas de rôle de petite vieille là-dedans, par exemple? Non, mais ça fait rien. On pourrait en trouver. Je veux dire, il y a des vieilles qui sont crosseuses. Hein, comme il y en a des Moses. Hein. J'imagine bien. Non, mais on n'en parle pas assez, des vieilles crosseuses. Les vieilles crosseuses, là. Je pourrais pas en parler. Je sais bien. Mais c'est pas des farces. On ne sait plus quoi penser. Tout le monde est corrompu. Qu'est-ce qui arrive, là? Ben là, vous me demandez ça. Est-ce que le pouvoir corrompt? Qu'est-ce qu'on va faire, là, nous autres? Penses-tu qu'on serait corrompu si on était au pouvoir, toi puis moi? Là? Probablement. On se ferait acheter pour un petit voyage. Regarde, on dirait-tu non? Vous m'offrez un hôtel de luxe en Italie. Je dis oui. Hein? Alors, nous sommes corrompus. Pour 100 mètres de trottoir, on ne s'ostinera pas. Là. Hein? Bon, mais vous restez avec nous. Mais oui, ben, j'espère bien. Avec grand plaisir. Le sommet de l'éducation est terminé, mais après de nombreuses propositions, il semble que les frais de scolarité vont être indexé. Alors, cette réalité ainsi que la maudite pub de Belle qui passe partout, je ne sais pas si vous l'avez entendu, nous a inspiré ce petit quiz. On écoute. Et on est de retour. Votre prochaine question. Quel parti politique était contre l'augmentation des frais de scolarité avant d'être élu? Le PQ. Quel parti disait qu'il allait proposer le gel des droits de scolarité s'il était élu? Le PQ. Quel parti est pour l'indexation des droits de scolarité? Pouvez-vous-tu répéter la question? Dis donc juste le PQ, c'est bien qu'ils ont encore culé là-dessus. Le PQ. Bonne réponse! Le PQ, bel et bien pas si simple que ça à suivre. Le 8 février dernier, Madame Latraverse, vous tweetiez. On peut accorder ça maintenant. Quoi, tweetiez. Je fasse attention à ce que je dis. Les voix de certaines personnes à la radio me laissent pantoise. Oui. Baissez un peu le ton et ça irait déjà mieux. Hashtag oreille sensible. Eh bien, elle devait sans doute parler de notre reporter tout-terrain, Jean-Sébastien Girard, qui a bien des défauts, mais pas celui de ne pas projeter dans son micro. Bonjour, Jean-Sébastien. Ah, mon bon, ah, ben, c'est ça. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien. On a mal aux oreilles. C'est vrai? Oui, ben oui, ben oui. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Ben écoutez, vous le savez, hein, le grand sujet d'actualité de la semaine, c'est bien évidemment le sommet sur l'enseignement supérieur. Ben oui. Et donc, Paris Cochet, Jean-Philippe, les manifestations, la gratuité scolaire, étudie Quincy. Et j'ai trouvé un spécialiste en la matière pour en discuter avec nous. Et j'ai nommé Elvis, le propriétaire d'ameublement Elvis sur le plateau Mont-Royal à Montréal. Ben oui, ben oui. Comment ça, non? Ben, tout simplement parce que je suis passé devant son magasin il y a quelques jours et j'ai vu qu'Elvis a décidé d'apporter sa contribution au débat social en collant une pancarte dans sa vitrine sur laquelle on peut lire ceci. Alors, je cite, « Aux manifestants, s'il vous plaît, arrêtez de vous servir des marchands et des habitants comme otages. Allez donc manifester sur le circuit Gilles Villeneuve. Vous, les élus, mettez vos culottes! » PS, la gratuité scolaire est impossible. Le Québec est en faillite et c'est signé Elvis. Alors, je me suis dit, enfin, une réflexion intelligente sur le sujet. Je suis donc présentement chez Ameublement Elvis avec Elvis. Elvis, bonjour. Oui, bonjour. Bon, ben, merci beaucoup. Et premièrement, bravo, enfin, quelqu'un qui est capable de remettre à leur place les maudits lâches qui pognent les nerfs pour un petit 3% d'augmentation. Dites-moi, comment vous est venue l'idée de leur servir cet avertissement-là et pourquoi Elvis? Premièrement, la pancarte ne tient aucune faute. Je suis réellement enchanté de ça. Ben oui, ça, c'est déjà un premier pas vers un argument qui a du poids. Hein? J'ai pas eu la chance d'aller à l'université, malheureusement. Mais est-ce que vous êtes ta mère? Je suis ta mère, c'est sûr, je suis ta mère. Ta mère et au père aussi. Et pourquoi, justement, avoir installé cette jolie pancarte? Écoute, c'est qu'on se fait harceler à Montréal pour toutes les raisons. Que ce soit les policiers, que ce soit n'importe quel chaudron, il s'en va dans la rue de Montréal. Tout le monde s'en vient ici. Et quand il y a eu le référendum, même le fédéral, il les a tous envoyés à Montréal. Je vous reviens dans quelques minutes, toujours en direct d'Ameublement Elvis, là où vous pouvez trouver l'électroménager qui vous convient à un prix d'entrepôt. Ben, merci Jean-Sébastien. Si on a le temps, on va peut-être aller vous voir, mais c'est pas encore sûr. OK, bye-bye. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui subit une indexation de ses codes d'écoute pas mal plus grande que 3%. Eh bien, il est le Elvis des temps modernes. C'est la chronique de Fred Savard. Je suis pas sûr que c'est le fun comme présentation. Ben, ouais, je sais pas. Alors, ben, quoi de mieux que le passage de M. Fournier, hein, chef du Parti libéral, pour y aller d'une petite histoire abrégée de l'incroyable épopée de 145 ans du Parti libéral du Québec. 145 ans? Oui, on a tendance à oublier que ce parti fut, à une autre époque, un parti glorieux. Et un peu de pédagogie dans cette émission, je pense que ça, c'est de bon ton. Donc, le Parti libéral naît en 1867, en même temps que le Canada, et seulement 5 ans avant la naissance de Louise Latraverse. Ben non, c'est une blague. On vous dit que c'est gratuit. Ces 20 premières années se passeront dans l'opposition alors que le Parti conservateur du Québec est au pouvoir. Alors, ben, contrairement à ceux d'aujourd'hui, hein, les conservateurs du 19e siècle maîtrisaient le français et leur programme tenait sur un document plus volumineux qu'une feuille 8,5-11. L'exécution de Louis Riel en 1885 profitera au Parti libéral qui fait élire un gouvernement majoritaire pour la première fois en 1887 grâce à son chef Honoré Mercier. Mercier qui devra démissionner en 1891 pour avoir détourné des fonds publics. Oui, à l'époque, on démissionnait pour des choses comme ça, alors que maintenant, on est suspendu avec solde. Félix-Gabriel Marchand lui succède et remporte les élections de 1887. Les libéraux conserveront le pouvoir pendant 39 ans ensuite. 39 ans, hey, c'est long ça. C'est 2 ans de moins que moi et je peux être long en temps, surtout dans la douche. Ce règne verra également 2 autres chefs illustres diriger la province, Lomère Gouin et Louis-Alexandre Taschereau, qui seront également de grands constructeurs de boulevards. 1935 sera une date importante puisque le progressiste Maurice Duplessis crée l'Union nationale sur les cendres du Parti conservateur et des dissidents du Parti libéral, c'est-à-dire des gens ne faisant pas partie du barreau du Québec. Un an plus tard, Duplessis prend le pouvoir, mais le perd en 1939 au profit d'Adélard Godbout, nouveau chef du PLQ. Godbout dirigera le Québec jusqu'en 1944, mais sera la victime de la conscription à Ottawa. Il aura créé Hydro-Québec, hein, on l'oublie, l'instruction publique obligatoire et l'instauration du vote des femmes, à moins que ce soit une invention d'intellectuels gauchistes. Éric Duhaime devrait nous éclairer là-dessus au prochain congrès du RLQ. Notons que 1955 sera aussi une date importante, puisque le PLQ cessera d'être une succursale du Parti fédéral pour devenir une succursale de la presse. Le PLQ restera dans l'opposition jusqu'à l'élection de Jean Lesage en 1960. Selon la plupart des historiens, tous de dangereux communistes, on le sait, ce sera le début de la Révolution tranquille. Pour les trois autres, ainsi que Joanne Marcotte et Éric Duhaime, ce sera le début du gouvernement et la fin des libertés individuelles. C'est l'époque des grands chantiers de la nationalisation de l'hydroélectricité, la création du ministère de l'Éducation et la naissance des Classel. Ce n'est pas rien. C'est aussi à ce moment que les relations s'envenimeront avec Ottawa, qui estime que Québec en demande trop, comme quoi l'aplaventrisme envers Ottawa n'est pas intrinsèque au PLQ, c'est seulement une maladie du 21e siècle. Après une parenthèse de 4 ans dans l'opposition face au gouvernement unioniste de Daniel Johnson, Robert Bourassa accède au pouvoir en 70. Oui. À 36 ans, il sera le plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec. Il sera traité de mangeur de hot-dog par Pierre-Éliott Trudeau. Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, les premiers ministres libéraux mangent au 357C. Bourassa perdra le pouvoir aux mains de René Lévesque en 76 et deviendra la personne la plus impopulaire au Québec. Il partira en exil en Europe à la nage. Claude Ryan lui succède comme chef du parti. Le parti vit ses heures les plus sombre. Le principal fait d'arme de Ryan sera sa victoire comme président du Comité du Non lors du référendum de 1980, même s'il doit probablement sa victoire à Lise Payette, qui traitera son épouse d'Yvette, un symbole qui pourrait s'apparenter à une espèce de Martine à la plage, mais derrière des chaudrons. Les Yvettes ne le prennent pas et remplissent le Forum de Montréal. Selon plusieurs historiens, c'est un point tournant du référendum. Pour les trois autres, Joanne Marcotte et Éric Duhaime, les Yvettes sont un modèle pour eux, qui sont aujourd'hui d'ailleurs d'excellents chaudrons. Claude Ryan perdra ses élections en 1981, ce qui permettra à Bourassa de revenir en sauveur et reprendre le pouvoir en 85, confirmant la devise du Québec, je me souviens. Ce sera la période houleuse des accords de Lac-Mige et de Charlottetown. On rentrera pas dans les détails constitutionnels, je ne voudrais pas m'endormir moi-même pendant ma chronique et ça s'en vient. Mais c'est suite à ces tribulations constitutionnelles qu'un autre schisme émerge au sein du parti, alors que Mario Dumont, chef des jeunesses libérales, claque la porte et fonde l'ADQ. Ce sera d'ailleurs le dernier sursaut de dissidence de Mario Dumont. Après de nombreux problèmes de santé, Robert Bourassa laisse sa place à Daniel Johnson fils, un homme au charisme aussi incandescent qu'un géranium adulte. Il perdra ses élections aux mains de Jacques Parizeau. Le PLQ restera 9 ans dans l'opposition et reprendra le pouvoir en 2003 avec le parachutage de Jean Charest de la scène fédérale. Et comme on dit si bien dans la langue de Joe Beef, the rest is hystérie. Merci Fred. Vous avez de la culture, vous, hein? Ah oui. Ou une bonne lecture de Wikipédia. J'ai Google, ouais. Ah ok, c'est ça, je me disais. On va retourner discuter avec Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, vous êtes toujours là? Ah oui, toujours avec Elvis, oui. L'ameublement du même nom. Et on poursuit notre réflexion sur la crise étudiante. Oui. Sur votre pancarte, Elvis, vous dites que la gratuité scolaire, c'est pas possible car le Québec est en faillite. Ma question, est-ce que vous confondez le Québec et votre magasin, Elvis? Écoute, le magasin, ça fait 40 ans qu'il existe. Hein? Et puis, j'ai entendu parler tantôt de Bourassa. Bourassa, j'y ai déjà parlé. Mais voyons! Ben là! Oui, j'ai dit, monsieur Bourassa. Oui. Je promets, là, je vous laisserai pendant 6 mois et vous me mettez up. Ben, je vois comment vous administrez. Les grands. Écoute, ces gens-là reçoivent de l'argent, ils la gongent pas. Tandis que moi, je la gongue. Avant qu'elle sorte, là, je fais attention en tabarouette. Mais vous êtes le premier à oser le dire. Toujours en direct de là, vous pouvez trouver vos lave-vaisselle en cassier et portatifs sur roue, de toutes les couleurs et même en inox. OK, merci Jean-Serre pour les publicités. Hein. OK, bye-bye. Fred, notre deuxième invité de la soirée. Ancien ministre libéral sous Jean Charest jusqu'en 2008, il part se ressourcer comme vice-président chez SNC-Lavalin pour ensuite revenir dans la fosse au lion. Accueillons le chef par intérim du Parti libéral du Québec, monsieur Jean-Marc Fournier. Bon. Le monsieur Fournier, j'ai oublié d'offrir une bière à madame Latraverse tout à l'heure. Est-ce que vous en voulez de la bière? Non, j'aime pas ça la bière. Ah, j'ai rien d'autre. Je suis comme Denise. Oui, je suis comme Denise. Et t'as pas dit son âge? Je vais faire une Denise Bombardier de moi. Oui, là. Non, mais c'est parce que moi, tu me présentes, oui. 72 ans, sacrement, puis là, lui, il arrive, puis tu dis rien. Ben non, mais j'allais le dire. Non, en fait, j'allais pas le dire, j'allais pas sortir. Ben non, c'est ça, là, vous voulez pas une bière? J'ai juste la bière. Ah, au 357, si, on dit vrai. Je sais, mais on est juste à Radio-Canada. J'ai pris de l'eau tantôt, c'est moi. Ça fait longtemps qu'on veut recevoir le chef du Parti libéral du Québec. Ça fait longtemps. C'est vrai. De tout obligé de satisfaire d'un intérim. Mais non, mais. Pas chanceux. Vous êtes un chef quand même. Quand même, c'est ce qu'ils me disent. Mais ça se pourrait que j'échappe deux, trois M. Charest pendant l'entrevue. Bon. Retenez-vous. OK, parfait. Je vais me retenir. Non, mais je vous regarde aller à la tête de l'opposition et vous faites pas vraiment, vous faites un bon travail. C'est là que ça applaudit, là, c'est ça? Ah, mais je pense que. Mais on l'a pratiqué tout à l'heure. Je sais pas. Vous faites un bon travail. On se fait un c'est effrayant. Non, mais c'est ce que. Ouais, quel âge avez-vous? Ben 53. Ah, oh, ben c'est bien, c'est oui. Un bel âge. Moi, je suis sur la fin de l'adolescence. Vous, je sais que vous commencez moi, la vieillesse, revenu, moi, je suis la fin. Moi, revenu de... l'adolescence, je suis mélangée dans est-ce les que, deux. Est-ce que madame. Non, il n'y a pas de problème, mais continuez, je trouve ça très beau. Est-ce que madame Latraverse est dans votre range d'âge? Non, parce que. D'âge? Ben, c'est gentil de poser la question. Non, mais, de, que... non, mais de fait, non, mais là, moi, je suis populaire plutôt vers ces âges-là. Ben, aussi, mais les Marc plus jeunes, ils ne sont vous pas êtes... tellement intéressés non, mais par moi. Je veux juste là, vous dire, vous êtes trop vieux pour moi. Ah! Eh bien, je pense que je prendrais une bière. Moi, si j'étais vous, j'en prendrais deux. Je vais prendre la vôtre. J'ai même du scotch, je pense. Et moi, est-ce que je suis dans votre range? Ah non, toi, c'est. Non, toi, c'est. Le problème avec toi, c'est qu'il y en a trop. Il y a trop de filles autour de toi. Je le sais que ça va te gêner, mais... Ouais. Je pense que je suis le grand gagnant de la soirée. Ça va. À 41, mais vous tombez, vous tombez en lambeau, Fred Savard. Attends que je vous donne des noms tout à l'heure. OK, ouais. mais quand on fermera les micros, OK? Good! On va s'entendre là-dessus. Mais non, on va parler de la vraie course à la chefferie du Parti libéral du Québec. On a reçu vos trois candidats. Oui, puis comment c'était? Bon, là, on a reçu Raymond Bachand à deux reprises. Deux fois, oui. Ouais. Mais pendant les élections et pendant la course à la chefferie, il ça a très, très bien été. Il était pas dit? Drôle? Ben oui, ben, il était très drôle. Il était très drôle. Oui. Est-ce que ça crée? Oui. Ben, en fait, hors d'onde. Okay. Oui, un peu. Okay. Et je pense qu'il est parti d'ici, puis il a laissé une couple de cartes d'inscription, des cartes de membres pour le PLQ, ben, je vous le dis. Après ça, on a eu Pierre Moreau dans la course également. Oui. Il avait bien fait aussi, Pierre Moreau. Oui. Et on a reçu M. Couillard, qui, ben, il était moins drôle un peu, M. Couillard, mais c'est pas grave. Ah, ben, c'est pas grave. C'est la soirée. C'est ça. Mais non, c'est jeudi. Ben, c'est jeudi. Ouais, on enregistre les jeudis. Le jeudi, c'est moins lui. C'est ça qu'il me disait. Mais clairement, c'est lui qui est en avance dans la course à la chefferie. C'est ce qu'on dit. À l'interne, est-ce qu'on est... Oh, vous avez vraiment pas choisi votre témoin pour poser ces questions. Comment ça, donc? Je suis probablement le moins bien informé de la chose, considérant ma très grande neutralité. Mais c'est ça. Fait qu'on peut pas savoir pour qui vous avez voté. Mais par contre, je lis les journaux. Mais là, en sachant que M. Couillard va être votre patron dans pas long, là... C'est possible, hein? Je vais vous arrêter tout de suite. Okay. Parce que les deux autres doivent écouter l'émission aussi, vu qu'ils sont venus. Fait que je voudrais pas laisser entendre que c'est vraiment lui. Là. Vous pouvez vraiment ils vont m'appeler pour me dire que j'ai pris parti puis tout ça. Je fais très attention. Vous avez aussi dit, avant de ben, tout de suite après la défaite du Parti libéral et la démission de M. Charest, dont je l'ai prononcé pour une deuxième fois, on va être une opposition constructive, on accepte le résultat de l'élection. Qu'est-ce que vous avez fait de constructif? Nommez-moi en trois. Vous avez vu une scène dernièrement. D'ailleurs, j'ai entendu ça où? À votre émission de la semaine dernière. Ben oui, le registre des armes à feu. À votre émission de la semaine dernière. Ben oui. Entendu ça. Bon, je vais la cocher tout de suite, celle-là. Où vous soulignez cette. Ouais. Bon, cet il en reste deux. Important. Il en reste deux. Ben écoutez, on a fait des propositions pour que le gouvernement puisse notamment déposer un cadre d'accompagnement pour l'exploitation des mines et des hydrocarbures. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? On trouve encore que c'est une bonne idée. On trouve ça constructif. OK, bon, parfait. Là, okay, vous constructif, ça veut dire qu'il faut que l'autre l'accepte. Oui, supposons que, on travaille ensemble. Oui. On aurait aimé ça qu'il le veuille. C'est ça. Mais non, mais c'est correct. On peut venir au sommet. Oui, on revient au sommet. Mais sur le thème des choses constructives. Mais je vais reculer. De toute façon, c'est très péquiste, ça, reculer. Fait que je vais alors voilà, sommet. D'accord. Là, vous allez attirer une réponse, une réplique très attendue et partisane de ma part si vous jouez au péquiste. Ah oui. On vient de Denis. Non, mais écoutez, moi, je suis pas partisan du tout. Hein. On a reçu tous les partis ici. Oui. Tout? Oui. Tout, oui. On a reçu... Sauf le Parti vert. C'est encore un parti, ça. Oui, mais ils ont une course aussi à la chefferie. Ah oui? Ouais. Arrêtez donc. Hein? Alors, on n'est pas du tout partisans, hein, vraiment. Notre public l'est, par exemple. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est des jeunes. D'ailleurs, est-ce que c'est difficile d'attirer des jeunes? Parce que, ben, on en parlait avec Pierre Moreau, qui est le candidat des jeunes, de la jeunesse. Et il avait dit non, honnêtement, l'aile jeunesse du Parti libéral va très bien. Vous le voyez, vous êtes chef par intérim. Est-ce qu'effectivement, la jeunesse libérale va bien? Je pense que la jeunesse libérale, là, je vais vous faire une réponse plate, mais la jeunesse libérale ressemble à toutes les jeunesses, c'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins en politique, les jeunes. Ah, et c'est vrai. Et c'est vrai. Ben, c'est vous le sentez aussi, parce qu'il y a une longue tradition quand même. Si la jeunesse du Parti libéral, vous le sentez qu'il y a moins de jeunes ou. Il y en a des jeunes, mais dans la politique en général, regardez les émissions de télévision quand il y a des conseils généraux, des conseils nationaux de tous les partis, pas de partisanerie. Ouais. Regardez les images, vous allez voir qu'il y a de moins en moins de jeunes dans les partis politiques. Puis qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y en ait plus, des jeunes dans les partis politiques? D'abord, il faut remarquer que c'est un contexte qui n'est pas propre qu'au Québec. Ben non, alors, c'est ça. On doit redécouvrir le sens des mouvements. Il faut qu'on puisse mettre des propositions qui puissent les attirer. Mais en même temps, on constate que les partis politiques comme véhicule d'idées ne sont plus ce qu'ils étaient. Alors, par exemple, il y a plein d'autres moyens, que ce soit les mouvements environnementaux, que ce soit la rue. Ce soit l'ensemble des mouvements ou des Facebook et Twitter et autres où on crée des forums où les gens se retrouvent. Mais comment on traduit ça à l'Assemblée nationale, par exemple? Parce que là, veux pas, je veux dire, oui, ça peut être des mouvements, mais en même temps, ils ont une voix dans les médias et puis sur les réseaux sociaux, mais en même temps, il faut avoir la voix à l'Assemblée nationale. Comment on fait pour traduire ça comme ça? Bien, on essaie de traduire ce qu'on croit, nous, selon les principes et les valeurs qu'on a, qui doit rassembler les gens. Alors, ça ne veut pas dire que des jeunes qui sont dans des mouvements autres puis qui ont une voix différente que celle, disons, du Parti libéral du Québec, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes qui n'ont pas la même voix. Prenons un exemple. L'année passée, lorsqu'on était dans un mouvement ou une crise ou une période où c'était particulièrement difficile, il y avait 70 % des jeunes qui étaient à l'école, même si on disait que tout le monde était en grève. Alors, donc, c'est pas un bloc monolithique des jeunes. Des votes à main levée ou des votes électroniques, les 70... on n'a jamais remis ça en question, mais... Les 70 % des jeunes qui étaient... c'était les calculs de ceux... On soustrait ceux qui sont en grève, puis on finit par savoir ceux qui sont pas en grève. Vous restez avec nous, M. Fournier, j'espère. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Il est Sidney Crosby de l'écoute de la radio Jambon, ce qui veut dire qu'il se commotionne le cerveau à chaque semaine pour notre bon plaisir. Voici la chronique de Lévis Niquette. Honnêtement... C'est pas de la flûte à bec. Honnêtement, on oublie tout le temps d'applaudir Olivier, puis il n'y a pas de raison. Pas tout le temps. C'est lui le plus drôle. Ben souvent, en tout cas, souvent. C'est lui le plus drôle dans cette émission-là. En tout cas, grosse semaine pour les hommes en colère, les angry white men, comme ils disent aux États-Unis, qui étaient angry pas à peu près avec toutes ces histoires d'étudiants de langue française puis de Budweiser qui est soupçonné de mettre ben de l'eau dans sa bière. Là. Oui, il y avait de quoi pousser à bout le toujours fâché Sylvain Bouchard de Cogeco à Québec. Aux armes, citoyens payeurs de taxes. Un moment donné, si l'écœurement est rendu à un niveau tel, ben là, on sortira dans la rue. Mais j'ai peur que ça soit pas propre. J'ai peur que ça soit pas beau. C'est comme quelqu'un qui refoule ses émotions pendant des années. Quand ça sort, c'est pas beau. On pense toujours à ça, puis finalement, les gens restent tranquilles chez eux. Mais José, avec un Y, se trompe. Parce qu'un vent de changement souffle sur les bumpers du Québec grâce au mouvement Écœuré de payer, instigé par les bleuets de la colère de Radio X Saguenay. Écoutons le contribuable qui a inspiré le projet. Je pensais pas en appelant, en disant qu'il faudrait faire une gommette qu'on puisse mettre dans notre bac glace en arrière, qui nous permettrait de se prononcer sur le fait qu'on est vraiment tanné de payer. Vous l'avez fait, je vous remercie beaucoup. C'est le soulèvement de la majorité silencieuse. Ah, la majorité silencieuse qui colle une gommette à côté de son silencieux. Hey, ça va faire du bruit. C'est de la musique à mes yeux. C'est ça, Michel Bergeron, de la musique pour nos yeux, pas mal moins douloureux pour les oreilles. Surtout pas mal moins forçant que les casseroles. Bon, OK, gommette, ça fait pas très angry white man comme expression, là, mais ça fera sans doute plaisir aux zélotes de l'Office québécois de la langue française qui a fâché pas mal de monde avec son histoire de pasta polyglotte. Ça a même dégénéré quand Denis Gravel de Radio X a appris qu'un journaliste de Radio-Canada, payé avec ses taxes, avait posé cette question à son co-animateur Jérôme Landry. Comment ça se fait qu'à choix, vous avez des surnoms anglophones? C'est pas sérieux. C'est un journaliste de Radio-Canada. C'est des fous. Payé par nos taxes. C'est des fous. Qui m'a demandé ça. Il m'a parlé de la Nordic Nation aussi. Pourquoi un nom bilingue c'est avec des malades. C'est fou. Camisole de force, injection, mais faites de quoi? Hostie, ils sont fous. Pourtant, c'est drôle. Pourtant, ce qu'on vient d'entendre est bien la preuve qu'on n'a pas besoin de camisole de force pour être aliéné. Puis de toute façon, là, Denis est capable de très bien expliquer l'aliénation linguistique de sa station. Pourquoi on appelle Vince Vince? Parce qu'il s'appelle Vince. Pourquoi on appelle DH DH? Parce que c'est DH. Et pourquoi Denis Gravel est un peu colon? Parce qu'il est un peu colonisé. Mais il n'est pas toujours fâché comme ça, notre Denis, là. Même que lorsqu'il est question d'éducation, il a une vision novatrice de l'université à nous offrir, comme en fait foi sa célèbre parabole du McDo. Je vois encore l'université comme un service. Je vois encore l'étudiant comme un client. Si je vais chez McDonald's, et que je décide que je n'aime pas la bouffe de chez McDonald's. Ce qui n'est pas le cas en passant. Le deux cheese, ça fait encore la job, même s'il n'est plus sur le menu. Est-ce que j'ai à empêcher des gens qui veulent continuer d'aller au McDonald's puis qui estiment qu'ils mangent bien chez McDo? Dans nos universités, dans nos cégeps, ça fonctionne de même. D'ailleurs, selon mes sources, Denis aurait obtenu son diplôme dans le sac à surprise d'un joyeux festin. Quand même, généralement, lorsqu'il est question d'éducation, les angry white men sont plus aigris qu'aigres doux. Le vieux monsieur fâché, ancien prof de l'Université Laval, Régent Breton, a même pris sa voix de film d'horreur pour nous rappeler comment c'était donc mieux dans le temps de la guerre. Il y a une cinquantaine d'années, il y avait des vrais héros, des gens qui risquaient leur vie à la guerre. Qui sont les héros aujourd'hui? Des gens qui font chier tout le monde, qui ne risquent jamais rien, qui ne foutent rien. Bouh! C'est pas hyper, non, c'est pas hyper, merci. Heureusement, je vous rassure, les radios populistes ne sont pas remplies d'animateurs frustrés par tout et son contraire. Il y a aussi des happy vieux mononcles, comme en font foi les toutes premières paroles prononcées dans la flambant neuve web radio du Journal de Montréal. Bonjour mesdames et messieurs, ici Gilles Proulx. Coucou, je suis encore vivant. Coucou, je fais encore de la radio. Je pense que je vais aimer ça. Sur cette note positive, je vous dis coucou, à la semaine prochaine. Merci Olivier. Coucou! Coucou! Hey, nous l'a pas dit, puis on l'a reçu il y a quelques semaines, lui, ouais. En plus. Malgré plusieurs coupures dans une foule de ministères, le gouvernement fédéral a accru son budget en publicité qui passe de 8 à 13 millions de dollars cette année. On écoute le fruit de ces investissements judicieux. Le plan d'action économique du Canada travaille pour tous les Canadiens, sauf ceux qui n'ont pas voté pour le gouvernement. En aidant les travailleurs à obtenir de meilleurs emplois. En pourchassant les chômeurs qui ont choisi des métiers niaiseux comme la pêche, le tourisme ou la foresterie au lieu de pomper du pétrole comme tout le monde. En finançant la recherche innovatrice pour que le Canada reste compétitif dans plein de domaines qui ne font pas appel aux sciences. Le plan d'action économique du Canada crée des emplois, de la croissance et de la prospérité, particulièrement pour ceux qui travaillent en publicité pour le gouvernement. Découvrez tout ce qu'il peut nous rapporter. Un message du gouvernement du Canada. Ah, oh, c'est bien fait. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Coucou. Alors, ben oui, toujours avec Elvis, d'ameublement Elvis. Ah, ouais. Et Elvis, au-delà de la crise étudiante, j'ai eu envie de profiter de votre expertise politique pour vous entendre sur certains sujets chauds du moment. Alors, monsieur Elvis... Attendez une seconde. Qui c'est qui est en train de Regardez donc! Qui c'est qui est en train de magasiner un freezer usagé? Je peux pas croire. J'ai mon maudit voyage chez Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel, viens-t'en ici. Viens-t'en, Gabriel. Je peux pas croire. Je le croise à chaque semaine. Salut, Gabriel. Comment ça va, mon bonhomme? Est-ce que t'as passé une bonne semaine? Salut, Jean-Sébastien. Ça va très bien. J'ai passé une belle semaine. Je suis allé manifester mardi après-midi. Ben oui. Ça a été un peu sportif, mais ça a été une belle semaine. Ça va être encore tout un printemps qui s'en vient. Ouais, je sais pas si on peut déjà dire ça, mais disons qu'en tout cas, le Parti québécois a mis des gens un peu en colère. Mais qu'est-ce que tu fais ici, pour l'amour du Saint-Ciel, à tout magasiner de l'usager? Je veux dire, t'es plus un leader étudiant, tu devrais pouvoir t'acheter du neuf. Est-ce que t'as encore de la misère avec ton loyer? Ben, justement, à cause de mes problèmes de loyer, il va falloir que je déménage pas mal plus tôt que prévu. Donc, faut que je me trouve une laveuse et une sécheuse, puis on va y aller pour de l'usager, évidemment. Okay. Moi, ce que je comprends pas, par exemple, c'est qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que t'as vu la pancarte qui est affichée à l'entrée? Ben oui, puis je me suis dit, enfin, une place où j'aurais pas de traitement de faveur, donc je me suis dit, je vais venir ici. Mais là, Elvis, évidemment, vous devez être rouge de colère de voir notre Che Gabarda ici dans votre magasin. Est-ce que vous avez envie de lui péter la fuse? Écoute, dans ma vie, dans mon expérience, ils me disent toujours tes ennemis, approche-les près de toi. Fait que j'y offre une job de vendeur. Ah! Je commence lundi matin. Je peux pas refuser parce que nos heures sont flexibles avec les études. Pas de problème. Vous parlez d'un beau consensus. On se croirait au sommet des études supérieures, Jean-Philippe. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Elvis. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve sûrement la semaine prochaine. Ben oui, écoute, on se voit la semaine prochaine. Parfait. Alors, je vous rappelle, Jean-Philippe Vautier, que c'était Jean-Sébastien Girard, en direct de là où vous trouverez toutes les marques de laveuse, de sécheuse, côte à côte, à chargement frontal ou classique. Merci, Jean-Sébastien. Bonne semaine. Toujours utile. Il revient de passer deux jours au sommet sur l'éducation supérieure, ce qui veut dire qu'il a eu au moins une demi-journée pour écrire sa chronique. Accueillons notre correspondant parlementaire, Jean-Philippe Cipriani. Hey! Jean-Philippe! La grosse semaine, hein? C'est la première fois que je rencontre la mère d'Emmanuel Latraverse. Vous savez que c'est pas elle, hein? Enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Selon mes sources. OK. Grosse semaine pour vous, hein, parce que comme tous les journalistes assez peureux, d'ailleurs, qui ont craint d'être attaqués par un relationniste de SPVM, vous êtes réfugié au sommet de l'enseignement supérieur. J'ai échappé belle. Hein. Non, mais quand même, oui. ça se passait à l'Arsenal. Ça, c'est dans le futur quartier branché de Montréal, Griffintown. Oui. Un quartier tout désigné, d'ailleurs, pour le gouvernement et pour les étudiants, c'est-à-dire beaucoup de potentiel, mais tout est à bâtir. Hein. Et c'était donc sous le thème « Un Québec pour tous », qui nous rappelait un peu l'excellent slogan pour le Québec. Ça a été un succès pour vous. Donc, il fallait y aller en navette. Il y avait des grosses mesures de sécurité. On fouillait tout le monde. On scannait là, pour être sûr qu'il n'y a pas des gens dangereux là, pour faire dérailler le sommet, comme des extrémistes de l'AC ou ben Jacques Parizeau. Puis, mais sur le plan journalistique, c'était vraiment un succès. Des excellentes olives marinées, de la petite mousse choco-framboise, dans des petits pots maçons, puis du thé Cosmi. C'était où? Je ne les ai pas vus. C'était pour les journalistes. Occupés, ceux qui rapportent la nouvelle. Madame Marois avait même mis son seau de la même couleur que les rideaux. Là. Ça s'appelle se peinturer dans le coin. Des mètres de rideaux là, qui grimpaient très, très haut jusqu'au plafond, ça symbolisait le sommet et le supérieur. Et pour la partie enseignement, ben, tout le monde était bien calé dans sa chaise à roulettes. Il textait, il regardait Facebook, des vidéos. Bref, tout pour rappeler vraiment une vraie salle de classe. Oui. Et pour finalement, ce qui ressemblait finalement à une grosse conférence de presse de 18 heures. D'ailleurs, on a appris que ça a pris plus de temps à monter la salle que le temps que le sommet a duré. Et c'est tout à fait vrai. C'est un peu comme notre studio, finalement. Oui, c'est ça. Tout le monde a dit que le gouvernement avait gagné son pari. Oui. Évidemment, il n'y a plus personne dans les rues. D'ailleurs, je trouve l'AC un petit peu chicken. Là. C'est les premières manifs sans matricule 728. Ils ne réussissent même pas à faire durer ça plus qu'une journée. Oui. En tout cas, gouvernement Marois a fâché et les étudiants, et les recteurs, et les profs, et André Pratt. Donc, effectivement, oui, c'est un succès. C'est égal pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut de la crédibilité dans un sommet? On confie un mandat à Lise Bissonnette. Hein? Elle connaît ça, les causes désespérées, les taux de devoir, la bibliothèque, le parc olympique. Donc, mais sur le fond, là, une indexation ou une hausse, là, comme vous voulez, de 3 % moi je serais là avec Proprio Direct, là, seulement 2 % c'est quand même dangereux pour Pierre Duchesne qui hérite du nouveau surnom de Monsieur 3 % Et lui ne monte pas sur un bateau, il en monte un. Donc, c'est un petit peu dangereux, je pense, pour lui. Oui. Ouais, et donc, toute une série de chantiers. Fred en a parlé, là, 3 % les chantiers. Parlons-en des chantiers, justement. Là. Pas mal surpris que M. Fournier ne soit pas d'accord avec ça, parce que les libéraux, normalement, ils aiment beaucoup ça, les chantiers. De moins en moins, autant vous le dire. Donc, sur la gouvernance, sur les cégeps, sur le financement, sur l'aide financière, qui vont accoucher de rapports dans quand même un an et demi. Ou deux, ce qui est quand même très bien. Au moins cette fois-ci, le gouvernement, et c'est mon analyse, ne recule pas, il fonce vers l'immobilisme, ce qui est magnifique. Il fonce vers l'immobilisme, c'est bon ça. Ouais. Et qu'est-ce qui va arriver avec notre Martine Desjardins qu'on a reçu la semaine passée? Martine. Vous savez, vous rappelez ces livres-là? Moi, j'aime beaucoup Martine. Vous rappelez les livres, là, ma soeur avait ça, là, Martine à l'école, Martine aux joues, Martine au cirque, il y avait son frère Jean, Alain, ses amis, son chien patapouf, son chat moustache, c'était vraiment le fun. Ça vous rappelle bien. Au sommet, ça me rappelez un peu le classique de 89, Martine a une étrange voisine quand elle était à côté de Madame Marois. Et celui de 95 aussi, Martine, il court le furet. Ça, c'est quand elle essayait d'éviter l'indexation. C'était vraiment... Martine à la ferme pour la fin du sommet, mais c'était plus Martine à la ferme. C'était pas mal dommage. Et selon mes sources mal informées, les éditions Casterman vont sortir imminemment un nouveau, Martine au sommet. Ils vont rééditer Martine vive la rentrée, le classique de 1984 qui va s'appeler Martine au doc. Et déjà, actuellement, on sait que les auteurs ont entrepris la rédaction de Martine au PQ qui est prévue l'an prochain. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup. Ça va être un bon livre. Ah oui. C'est déjà tout pour ce soir, tout le monde. Merci d'avoir été là. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est Plus on est fou, plus on lit. Et ensuite, bande à part. Merci à toute l'équipe. Valentine Ticotte, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge et Marie-Hélène Vautier. Un gros, gros merci à nos invités de ce soir. Louise Latraverse. On vous suit sur Twitter. Oui, j'espère. Ben oui, mais il faut vous suivre sur Twitter. Ben oui, et Jean-Marc Fournier, bonne course à la chefferie, surtout bonne élection d'ici une couple de semaines. Merci beaucoup. Ah, bonne chance. Merci. Et quant à nous, vous, si vous voulez écouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et si vous voulez assister à l'émission, c'est jeudi prochain à 17h. Et nos invités, Véronique Yvon, la ministre péquiste, et Damien Robitaille. Ouais. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.